Divers pays du monde ont rapporté la nouvelle du déroulement fructueux et de la clôture du 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Ce sont l'agence de presse japonaise Chiji, les mass-médias chinois quotidiens de la planète, journal de l'armée de libération, télévision centrale, réseau du peuple et information chinoise, les journaux turcs Daily Sabahu et Haberler.com, l'Algérien Saout al-Aouraru, le bulletin de l'Association d'amitié Bulgarie-Corée, le rapport de l'Institut des politiques pour la sécurité et l'exploitation de Suède, péninsule coréenne, et les 11 pages d'internet du Comité national d'études du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme du Nigeria, du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée, du Comité national d'études des études justices du Congo démocratique, et du Comité national d'études du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme de Guinée, ont informé de la clôture du congrès du Parti coréen. L'homepage d'internet du Comité national d'études du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme du Nigéria a présenté le test intégral du discours de clôture du maréchal coréen, alors que celui du forum allemand anti-impérialiste, une dizaine de ses photos au congrès du Parti coréen.